Vous écoutez France Culture. Merci Marie-Hélène. Au menu aujourd'hui, bœuf, patate, mouton, haricot, mais aussi cochon, piment, dinde ou poulet riz. Issus de quelques foyers primaires, les espèces animales et végétales deviennent progressivement, au cours de l'Holocène, des proies asservies et le principal moyen de subsistance des sociétés humaines, modifiant ainsi et en profondeur nombre de systèmes économiques, culturels et sociaux. Ces bouleversements se sont produits selon des rythmes, des processus variés, en fonction des périodes, des régions, des contextes environnementaux et culturels. Nous en retracerons cet après-midi l'histoire avec Joséphine Lesure, Michel Elliott, Thomas Cookie. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Désormais habitué du Salon Noir, Joséphine Lesure, vous êtes maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous représenterez aujourd'hui l'Afrique. Jeune maître de conférence à l'Université de Paris 1, Michel Elliott, nous faisons aujourd'hui connaissance pour évoquer vos travaux, vos recherches sur le continent américain. Enfin, Thomas Cookie, chargé de recherche au CNRS, j'ai souvenir de votre doctorat que vous aviez passé brillamment, bien sûr, et vous étiez d'ailleurs venu évoquer ce sujet, ici, il y a déjà quelques années. Vous incarnez l'Asie, l'insulinde. Justement, Thomas Cookie, disons deux mots sur cette belle thèse que vous avez réalisée autour d'un animal si proche de l'homme, qui semble même l'avoir adopté, voici bien longtemps, la fameuse Mus musculus domesticus. Alors, qui est-elle ? Alors, la souris, c'est la souris comment ça ? La souris des maisons. Et l'histoire de cette relation est très ancienne. Elle remonte à il y a plus de 10 000 ans, quand l'homme se sédentarise au Proche-Orient et puis surtout met en culture et stocke ses grains. Et c'est là que la souris arrive, en fait. Les maisons sont pleines de quoi manger, protègent du froid et protègent des prédateurs. Donc hop, elle pénètre la niche écologique nouvellement créée et commence à coloniser notre maison. Alors tout ça, on est au Proche-Orient et on va petit à petit la suivre vers l'Europe et un peu partout. Absolument. On la suit en Méditerranée et en Europe. Joséphine Lesure, l'Afrique est un terrain vierge pour l'archéologie, notamment pour le néolithique et la domestication des animaux. Il faut se tourner vers le Soudan ou peut-être même le sud de l'Égypte pour trouver quelques vestiges de faune domestiquée ? Pour les plus anciens, oui. Alors ça remonte à peu près à quelle époque ? On trouve les plus anciens restes possibles de bœufs domestiques au 9e millénaire avant Jésus-Christ, donc sur le site de Birkesiba et Nabta Playa au sud de l'Égypte. Alors je dis possiblement parce que pour l'instant on a très peu de restes et il est difficile de dire si on a affaire à effectivement du bœuf domestique ou à son ancêtre sauvage qui était alors présent dans la région, le roc. Et on est déjà sur des populations que l'on pourrait appeler néolithiques, qui seraient éleveurs-agriculteurs, ou on est encore dans un monde de prédateurs et de chasseurs qui ont quelques animaux domestiques avec eux, s'ils sont domestiques d'ailleurs. Exactement. Non, on est vraiment sur des populations de chasseurs-cueilleurs qui sont nomades, qui exploitent les différents milieux, la vallée du Nil et aussi les déserts aux alentours, qui étaient à l'époque d'ailleurs moins déserts. Et en fait, c'est difficile de parler vraiment néolithique en Afrique, puisque les premiers témoignages de la domestication, de l'économie de production, commencent par l'élevage et va demeurer pendant plusieurs millénaires le fait de populations mobiles qui vont rester des cueilleurs et donc qui ne vont pas vraiment sédentariser tout de suite. Alors on a deux approches, on a bien sûr l'archéologie ou l'archéozoologie ou l'archéobotanique, on a aussi la génétique. Visiblement la génétique semble montrer un élevage local, une invention donc, ce que visiblement les données archéologiques ne pensent pas, c'est ça ? On est un peu en porte-à-faux entre archéologie et génétique. Le débat est encore très ouvert. En fait, les premières analyses génétiques faites sur des bœufs actuels semblait montrer qu'on avait un groupe, un haplotype, donc un marqueur génétique, présent chez les bœufs africains qui n'existait pas ailleurs. Donc, ce qui suggérait que les populations de bœufs africains avaient été domestiquées localement. Le problème, c'est que ces analyses ont été faites sur du matériel moderne et que les populations de bœufs ont énormément évolué au cours des millénaires. Et notamment, il y a une grande peste bovine en Afrique à la fin du 19e qui a éradiqué en fait, la diversité passée de ces bœufs. Donc, les analyses qui ont été faites maintenant ne reflètent pas du tout la diversité ancienne du bœuf. Et par ailleurs, on commence à avoir des résultats sur de l'ADN ancien, qui est très compliqué dans les milieux arides parce que l'ADN se préserve mal. Et ces premiers résultats archéologiques tendraient à montrer que non, en fait, les bœufs africains sont très proches des bœufs du Proche-Orient, génétiquement. Donc en fait, pour l'instant, la question reste ouverte. Est-ce qu'on a un foyer de domestication du bœuf en Afrique ou est-ce qu'il est arrivé du Proche-Orient avec d'autres espèces domestiques? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous pensez peut-être un petit foyer quand même d'invention? Je pense qu'il y a possiblement un foyer de domestication en Afrique. Et pour moi, le principal argument est que les premiers sites sur lesquels on retrouve ces bœufs, donc 9e millénaire ou un peu plus tard, vers le 8e, 7e millénaire, on ne trouve que du bœuf et pas les autres espèces domestiques, notamment les caprinés, qui sont venues du Proche-Orient, elles clairement, puisqu'il n'y a pas les ancêtres sauvages en Afrique. Donc le fait qu'il n'y ait que le bœuf et pas les autres animaux domestiques, qui sont peut-être même plus adaptés à l'hérédité, comme le capriné, pour moi, serait un argument pour dire qu'il y a eu possiblement une domestication africaine. Et qu'en est-il des plantes, et notamment d'une plante qui est visiblement très caractéristique de l'Afrique, le sorgho bicolore? Alors, le sorgho est une plante, effectivement, qui a été domestiquée en Afrique et qui est exploitée depuis des millénaires, durant tout l'Holocène. Et il va être exploité par ces populations, notamment de premiers éleveurs, qui vont se balader à travers le Sahara avec les troupeaux de bœufs. Et ces éleveurs vont utiliser les céréales sauvages et notamment le sorgho. Le problème, c'est que pour marquer vraiment la domestication de ces graines, il faut qu'il y ait un changement morphologique pour dire qu'elles sont vraiment domestiques, et que comme tous ces éleveurs se sont baladés pendant longtemps dans les zones de répartition sauvage, qui ne faisaient pas vraiment de champs, ils exploitaient intensivement, mais ils ne faisaient pas vraiment de champs, on n'a pas eu les modifications morphologiques de ces graines jusqu'à une période très récente, jusqu'en fait au premier millénaire avant Jésus-Christ. Donc on sait qu'on a eu des domestications de céréales, il y a eu aussi le millet, d'autres espèces africaines, mais elles ne sont visibles morphologiquement que tardivement, puisque la sédentarité, donc les champs d'agriculture, ne sont arrivés que tardivement. En tout cas, petit à petit, tous ces troupeaux de vaches vont migrer et vont traverser le Sahara d'est en ouest. Hein. Oui, progressivement, ils vont coloniser, ils vont aller vers tout l'ouest de l'Afrique, tout le Sahara, et ils vont aussi commencer à aller vers le sud, vers le Soudan, où ils vont avoir une progression très lente, notamment quand ils vont rentrer dans le Sahel et dans les zones tropicales, puisqu'en raison de nombreuses maladies infectieuses, cette diffusion vers le sud va prendre plusieurs millénaires. Une sorte de barrage. Une sorte de barrage, voilà, qui n'est pas lié au désert cette fois, mais vraiment à la présence de nombreuses maladies infectieuses pour le bétail. En tout cas, en Afrique du Sud, tout cela arrivera très tard, avec ce que l'on appelle l'expansion bantoue. D'ailleurs, il faudrait savoir exactement de quoi il puisse s'agir. C'est à peu près ça? Alors, une des théories, effectivement, a été que le bétail et la céramique également sont arrivés par l'expansion bantoue, donc le long de la côte ouest de l'Afrique, au cours du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais actuellement, les analyses archéologiques et génétiques tendraient plutôt à montrer que ces premiers pasteurs viendraient d'Afrique de l'Est, qu'ils aient pu passer par la Tanzanie, notamment, et la Zambie, par des zones où il n'y avait pas ces maladies infectieuses, notamment, et qui seraient arrivés, en fait, ce seraient vraiment eux qui auraient colonisé l'Afrique du Sud, qui seraient arrivés avec les troupeaux, les premiers. Puisqu'on est dans ces régions-là, vous avez fait récemment une très jolie découverte, publiée dans une très grande revue mondiale, PLOS ONE, le tout sur la Namibie, c'est bien ça? Oui, depuis quelques années, je collabore à des fouilles en Namibie. Et récemment, nous avons découvert donc, les plus anciens restes de caprinés domestiques en Afrique australe, et qui sont effectivement très très tardifs, puisqu'ils sont du début de notre ère, en fait. Alors quand vous dites capriné, ça veut dire quoi? Chèvre ou mouton, c'est ça? Chèvre ou mouton, voilà. On se base qu'on a malheureusement trouvé que quelques dents, très de vieux individus, donc des dents très usées, et on ne peut pas dire si c'est du mouton ou de la chèvre. En tout cas, si je comprends bien, Joséphine Le Sueur, les animaux en Afrique ont été domestiqués, semble-t-il, bien avant l'émergence de l'agriculture et des plantes. Hein. Exactement, et ça c'est une grande spécificité de l'Afrique, notamment parce que, en raison des grandes savanes et des grandes plaines herbeuses, c'était plus facile développer d'abord de l'élevage et d'exploiter les graminées sauvages, et que de développer d'abord de l'agriculture. Michel Elliott, vous nous racontez bien sûr une histoire bien différente et encore fort mal connue bien sûr des Français, celle du continent américain. Deux grands foyers de domestication semblent émerger dans cet immense continent. Oui, c'est ça. On a le Mésamérique qui est dans le Mexique actuel et on a un autre foyer primaire dans l'Amérique du Sud, dans les régions en Amazonie et dans les Andes. Alors pourquoi ces foyers, pourquoi ces régions particulières? Parce qu'elles sont peut-être plus privilégiées à la fin du Pléistocène, à la fin des grandes glaciations, le climat se radoucit et là on peut trouver des hommes et un milieu plus favorable qu'ailleurs? Oui, c'est peut-être ça. On voit en Mésamérique un des premières domesticates, c'est le maïs. Et c'est le descendant d'une graminée sauvage qui s'appelle Teosinte et qui est indigène au Mexique. Donc, la domestication originale de tout le maïs qui pousse partout dans les Amériques vient du Mexique. Et pour l'Amérique du Sud, il y a une telle diversité des espèces dans les basses terres et les hautes terres que je crois qu'il y avait, énormément de possibilités pour l'expérimentation avec la culture des plantes. Alors justement, revenons un peu sur le maïs. Il est domestiqué à peu près à quelle époque? Et est-ce que l'on peut suivre justement sa transformation rapide en vrai épi de maïs que l'on connaît aujourd'hui? C'est compliqué l'histoire de la domestication du maïs parce qu'on a commencé de chercher les origines dans les hautes terres mexicaines où il y a des climats arides et semi-arides et dans des abris sous roche et des grottes qui protègent les restes macrobotaniques. Donc les épis, les graines, on peut trouver très bien conservés. Mais les études moléculaires et génétiques ont montré qu'en fait l'origine de Teosinte qui a donné le maïs est probablement dans les basses terres subtropicales où la conservation est malheureusement beaucoup plus compliquée. Et on a dû attendre un peu des avances technologiques pour pouvoir trouver des restes comme les micro-restes, comme le pollen, les phytolithes, les graines d'amidon pour repérer l'origine du maïs. Ça nous donne à peu près une époque. On est à peu près à quel millénaire de cette domestication du maïs? À présent, les données plus anciennes sont à 8700 avant le présent. C'est très ancien? Oui, mais c'est ancien, mais en fait, c'est la cucurbita pepo, la courge, qui est la plus ancienne. Alors justement, oui, cette cucurbita pepo, c'est un cucurbitacé, c'est bien ça? Oui. Et il est domestiqué très tôt. Oui, et c'est la première plante qui a été domestiquée en Amérique, probablement de 10 000 ans avant présent. Et c'est une cas intéressant parce qu'il peut être consommé pour la chair, pour les graines qui sont riches en des huiles, mais il y a des autres hypothèses qu'en fait, il était domestiqué pour être un conteneur pour porter de l'eau ou des autres liquides. Et donc, ça pose un point d'interrogation si la première domestication était pour l'alimentation ou pour des outils. Ça se présente comment? C'est une sorte de grosse courge ronde? Oui, c'est la citrouille, ce qu'on connaît actuellement. Et que sait-on sur ces sociétés qui vont la domestiquer exactement? Que sait-on? Est-ce qu'ils sont déjà des populations sédentaires? Non. Est-ce qu'ils vont s'orienter vers aussi l'agriculture intensive de ce genre de... En Mésoamérique, ils sont des groupes de chasseurs-cueilleurs qui avaient une faible degré de sédentarité et qui probablement faisaient des expériences avec des plantes de domestication pour faire un peu plus stable le milieu et de améliorer l'instabilité d'availabilité des ressources dans le temps et dans l'espace. Il y a aussi les tubercules. Qu'en est-il par exemple de la préhistoire de la pomme de terre qui est forcément américaine, ça on le sait tous? Oui, ça, c'est une question qui est en plein développement pour l'instant, pour cette même question des avances de technologie et notamment l'habilité d'identifier des graines d'amidon. Et donc, ils sont très riches, ces tubercules. Et donc, il y a des recherches, notamment en Amérique du Sud, pour voir s'il y a la domestication des tubercules avant le maïs. Et que sait-on, par exemple, là nous étions dans l'Amérique, la Mésoamérique, hein, mais que sait-on sur un petit peu plus haut, par exemple, dans le sud de l'Amérique du Nord, l'Arizona, le Nouveau-Mexique? On a là aussi des innovations de la domestication de plantes? On voit, surtout dans le sud-ouest des États-Unis, il y a une forte exploitation de plusieurs ressources végétales avant l'arrivée du maïs du Mexique, qui est à peu près 2000 avant notre ère. Et après, on voit l'adoption du maïs dans les économies. Mais les jeunes ne commencent pas à pratiquer la sédentarité jusqu'à plus vers 500 de notre ère. Dans le sud-est des États-Unis, on voit en fait la sédentarité précède l'agriculture et les premiers complexes agricoles et sont des plantes indigènes et c'est par jusqu'à à peu près 9000 de notre ère qu'on voit le maïs devient bien intégré dans les économies de domestication. Alors là, nous étions bien sûr sur les plantes, mais il y a aussi tous les animaux inventés et domestiqués en Amérique, et notamment le dindon. Oui, le dindon. Le dindon, c'était un animal important en Mésoamérique et dans le sud-ouest des États-Unis aussi, qui était consommé par sa chair, mais également exploité pour ses plumes, pour des différents artisanats. Mais c'est un champ de recherche qui est en plein développement pour l'instant et on n'a pas une bonne connaissance de la chronologie et les différents points d'origine, vraiment. Et le lama? Parce qu'il y a le lama, la vigogne, là on connaît des choses là-dessus. Oui, pour le lama, on sait que le lama et la baga sont domestiqués probablement vers 5000 avant présent dans les Andes. Mais c'est compliqué là aussi parce qu'on ne voit pas énormément des différences morphologiques entre les ancêtres sauvages et les espèces domestiquées. Donc, on peut voir qu'à peu près 500 avant présent, il y a les évidences des corals, probablement des quinoa qui étaient consommés par les lamas, et les évidences dentaires. Mais pour l'instant, c'est une histoire qui est toujours en train de se développer. Et puis, il y a bien sûr ce fameux cochon d'Inde que l'on mange. Ben oui. Moi, je n'ai pas goûté personnellement, mais j'ai entendu qu'il y a ceux qui l'aiment et ceux qui non. Et donc, lui aussi est domestiqué assez tôt et consommé très tôt. On en retrouve les os dans les fouilles archéologiques, par exemple? Oui, le cochon d'Inde semble apparaître à peu près le même moment que le lama. Et le canard, pour finir, qui a aussi un rôle visiblement tout le long de la côte du Pacifique, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ça a une distribution très large en Amérique. Et là, on a vraiment du mal de comprendre l'origine et les premières domestications. Mais on sait que c'était une ressource qui a été largement exploitée. Thomas Cookie, l'Asie n'est pas en reste, avec la poule, le riz, le cochon et la banane. L'archéologie de la banane, c'est justement quelque chose de très intéressant. Là aussi, c'est très compliqué, mais en tout cas, une chose est sûre, elle n'est absolument pas africaine. Ah non, c'est sûr, elle n'est absolument pas africaine, puisque le foyer de domestication de la banane se situe en Nouvelle-Guinée. Donc, la Nouvelle-Guinée... C'est un centre de domestication très ancien, et d'ailleurs qui a été découvert sur le site fameux de Cuc, hein, qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc sur ce site, on a la mise en évidence de la culture des plantes de la rainforest, de la, forêt tropicale humide, et on a des évidences d'agriculture dès 10 000 avant notre ère, hein, avec des évidences de paléosurface où on voit tout un tas de preuves comme quoi ils mettaient en culture. À partir de 7 000 avant Jésus-Christ, on a ces fameux mandes, les cultures sur monticules, hein, où on gère les marais comme ça, on fait des petits monticules qui sont mieux drainés pour mettre les tubercules et tout ça. Et donc pour ce qui est de la banane, c'est dès 7 000 qu'on a ce qu'on appelle des phytolithes de banane en grande quantité. Hein, et donc ce qui prouve... Les restes archéobotaniques, on s'arrête à l'identification du genre, parce que sur les phytolithes, c'est des restes extrêmement difficiles à identifier. Mais en tout cas, on est tout à fait sûr qu'il y a une domestication de la banane en Nouvelle-Guinée très, très, très, très tôt. Joséphine Le Sur, la banane, justement, on la retrouve en Afrique. C'est aussi un sujet qui intéresse, par exemple, les paléobotanistes africains. On se met à rechercher aussi des phytolithes ou des traces de banane. Je sais qu'au Cameroun, il était question qu'il y en ait. Oui, il y a un site qui a été trouvé au Cameroun, enfin qui a livré au Cameroun quelques restes de phytolithes de banane. Alors, je sais que c'est un site qui est assez discuté. Puisque les identifications ne sont apparemment pas assurées. Ils datent du premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais ce qui intéresse surtout les paléobotanistes, c'est que... donc on ne sait pas encore vraiment d'où vient la banane. Enfin, si, on sait d'où elle vient, mais on ne sait pas à quelle époque elle arrive en Afrique. Mais ce qui est très intéressant actuellement, c'est qu'on voit que dans la forêt équatoriale, on trouve actuellement une centaine de variétés de plantains qui sont exploitées. Et c'est très étonnant pour une espèce qui est comme ça importée de se redévelopper après et de produire une telle variété de différentes formes à partir d'une seule espèce. Thomas Kouki, on a souvent parlé de Taïwan comme une sorte de grand centre de diffusion en Asie. Qu'en est-il exactement au travers d'une grande culture qu'on appelait la culture austronésienne ? Oui, on a considéré que donc, l'Océanie avait été colonisée par un peuple venu de Chine en passant par Taïwan et qui aurait diffusé la langue austronésienne, mais aussi diffusé tous leurs animaux domestiques et surtout le riz. Et de plus en plus, donc, cette grande théorie est battue en brèche. Et là, si on regarde ne serait-ce que la domestication des animaux et des plantes dans l'insula, donc une espèce de corridor entre l'Asie et l'Océanie, quand on suit ces animaux, on se rend compte qu'aucun d'entre eux ne suit une route qui part de Taïwan vers l'Océanie. Alors, comment peut-on expliquer ça ? Un autre processus, hein ? Plusieurs. On rentre dans la complexité. Le modèle était très, très plaisant parce qu'il était assez, assez simple. Le problème est beaucoup plus compliqué pour cette région-là. En fait, on a des influences qui viennent effectivement de Taïwan, mais on a des influences qui viennent de la péninsule du sud-est asiatique, et on a aussi, comme on l'a vu avec la Nouvelle-Guinée, des influences qui viennent aussi de Nouvelle-Guinée avec la banane. Donc tout ça, l'insula, c'est une espèce de grande région de brassage où l'homme est arrivé il y a 30 000 ans, voire 50 000 ans, et il navigue là-dedans, et il échange là-dedans depuis très longtemps. En tout cas, c'est des grands indicateurs dans ces cas-là. Ce sont de très grands indicateurs qu'on arrive maintenant à suivre, et notamment donc, avec le cochon, le rat, le chien, on suit leur diffusion pour essayer d'avoir ce qu'on appelle des bioproxys ou des indicateurs biologiques de la diffusion des hommes. Parce que ce sont les hommes qui ont transporté ces animaux, parce qu'ils n'étaient pas présents dans cette région-là. Alors justement, il y a aussi la diffusion de petits animaux, comme le rat, le fameux Rattus exulens, à bien sûr ne pas confondre avec l'horrible Rattus ratus, le rat noir. L'horrible rat noir, vecteur de la peste. Non, là, c'est le gentil petit rat du Pacifique. On l'appelle le rat du Pacifique parce qu'il est présent dans toutes les îles du Pacifique, puisqu'il a été introduit par ces océanautes qui ont colonisé l'Océanie. Mais il est plutôt originaire d'Asie du Sud-Est. Et si on suit la route de sa diffusion, il part plutôt, pareil, une fois encore, de la péninsule du Sud-Est asiatique et suit la route des îles de la Sonde vers l'Océanie. Et une fois encore, donc, il ne part pas ni de Chine du Sud et encore moins de Taïwan. On a comme ça des exemples de sortes de passagers clandestins dans des embarcations qui auraient été petit à petit diffusés et qui nous permet de petit à petit là aussi de retracer des routes, hein, et des cheminements humains. Alors, on n'a pas de preuves archéologiques de ces passagers clandestins. Malheureusement, ce serait trop facile. Mais par contre, on voit que, comme je vous disais, ces rats du Pacifique sont présents au même rythme que l'homme qui colonise ces îles du Pacifique. Donc, sa dynamique est la même que celle de l'homme. Donc, vraisemblablement, on a une introduction volontaire de ces rats dans toutes ces îles. On aurait pu penser, OK, c'est des passagers clandestins. Mais non, en fait, vraisemblablement, ils sont venus de façon volontaire. L'homme les avait avec eux parce que, alors, soit la théorie du snack, du snack rat de Joséphine, inventée maintenant. C'est quoi le snack rat? L'idée de manger du rat, c'est ça, non? Ben, c'est ça, ça peut être de la source de protéines pendant le voyage, un petit snack. Mais non, plus sérieusement, vraisemblablement, on pense que ces rats avaient une valeur symbolique pour ces sociétés-là, puisque vraisemblablement, c'est des animaux qui creusent et qui peuvent communiquer avec les ancêtres. Voilà, il y a tout un tas de théories, mais en tout cas, actuellement, on sait qu'il est aussi consommé. Sa chair est très prisée dans certaines îles du Pacifique, donc voilà. Et il est toujours consommé. Voilà. La poule pourrait être chinoise, du moins c'est ce que j'ai lu quelquefois. Non, a priori, bon, effectivement, les plus anciens restes de poules, enfin de gallus, se retrouvent en Chine, mais on n'a aucune évidence que ce sont là bien affaire à de la poule domestique. Donc vraisemblablement, l'ancêtre sauvage de la poule, c'est le coq doré de la jungle. Et lui, son aire de répartition actuelle est bien plus au sud. Et les plus anciens restes archéologiques de poules se trouvent en Thaïlande. Et on est vers 4000 avant maintenant. Et là aussi, on arrive à suivre leur cheminement jusqu'à très très loin. Puisque en France, je crois que ça arrive vers 900, 700 avant notre ère. Donc... Oui, alors bon, le problème, c'est qu'on a très, très peu de restes. Donc, on fonctionne pour la région qui nous intéresse là, l'insulinde. On a quelques restes de poulets dans le Pacifique, donc ceux qui ont été introduits. Et si on compare leur ADN avec l'ADN des populations continentales modernes et anciennes, on se rend compte qu'une fois encore, les signatures génétiques des lignées maternelles de ces poulets du Pacifique ont plutôt une source en Thaïlande. Donc une fois encore, le out of Taiwan ne suit pas, puisqu'il y a encore une diffusion par le sud, par l'Indonésie. Qu'en est-il du cochon? Le cochon, c'est un animal absolument extrêmement important. On en trouve, bien sûr, au Proche-Orient. Joséphine Le Sieur, vous en avez, je crois, au 5e millénaire en Afrique, non? C'est ça? Oui, il arrive avec les moutons, avec les céréales, en fait avec le package qui arrive du Proche-Orient et qui s'installe en Égypte dès le 5e millénaire. Et on le retrouve aussi peut-être avec un véritable foyer de domestication chez vous? Oui, en Chine, là, c'est sûr, on a un foyer de domestication très, très ancien du cochon, il y a 9000 ans avant maintenant, hein, sur le site fameux de Yahoo, dans la région du fleuve Jaune. Et donc, lui aussi sera diffusé petit à petit jusque en Papouasie-Nouvelle-Guinée, où on sait le rôle des grandes sociétés éleveurs de cochons que sont les big men, c'est bien ça? Absolument. Le cochon a un rôle immense pour ces sociétés, c'est surtout pour ça. Pour le prestige qu'il apporte à ses éleveurs. Et si on suit la route du cochon, que ce soit en utilisant des marqueurs génétiques une fois encore ou avec des marqueurs morphologiques, hein, on a développé des méthodes qui permettent d'être très précis maintenant, eh bien la route du cochon, une fois encore, elle est plutôt indonésienne. Une fois encore, elle part plutôt du Vietnam et suit les îles de la Sonde vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis ensuite l'Océanie. Ce que vous essayez de montrer au travers de vos trois recherches, c'est une sorte de diversité, donc de mettre en évidence cette diversité dans différentes régions au travers de découvertes récentes. Joséphine Le Sieur, en quelques instants. Oui. Ce qu'on essaye de montrer, c'est que la domestication, le début de l'élevage et de l'agriculture, c'est un phénomène mondial qui suit des processus très différents selon les cultures et qui a eu lieu sur beaucoup de millénaires et qui continue encore maintenant avec le développement de l'aquaculture, la pisciculture. Voilà, donc c'est... Merci beaucoup. Mardi prochain à 15h30, le Salon Loire sera à Marseille. Marseille, la ville aux 26 siècles d'histoire et d'archéologie. Le Salon Loire a été réalisé par Viviane Noël, à la technique Jean-Richard Dufour, attaché d'émission Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur les pages du Salon Loire de France Culture. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.